peuple. Bon matin. Oh! On est déséquilibré de ce bar-là ce matin. Là, j'espère que vous êtes en forme, prêt à vous enrôler pour Jésus-Christ. Pas parce qu'il fait gris dehors là, qu'on va se laisser s'endormir. C'est pas parce qu'on s'est couché tard qu'on va se laisser s'endormir. J'espère que vous êtes prêts à vous enrôler ce matin. On est rendu dans 2 Timothée 2, deuxième chapitre du deuxième livre de Timothée. Michel a fait l'introduction la semaine dernière. Et puis on va continuer dans la même lignée, en fait. C'est-à-dire que Michel a expliqué la semaine dernière que cette deuxième lettre-là à Timothée est écrite pas mal plus tard que la première lettre. Et puis c'est vraiment une lettre qui est très personnelle à Timothée, hein, qui est une lettre d'exhortation pour lui. Exhortation à persévérer quand c'est difficile. L'Église, à ce moment-là, vit des difficultés. Donc, persévérer quand c'est difficile, résister aux pièges, servir le Seigneur en tout. Dans cette lettre-là, il y a, en fait, dans le deuxième livre de Timothée, il y a plein d'exhortations, mais dans juste le chapitre qu'on va lire ce matin, il y en a une dizaine d'exhortations pour Timothée. Donc, c'est vraiment des encouragements pour Timothée, mais des encouragements pour tous les serviteurs de Dieu. Donc, on va commencer par un petit passage d'introduction dans Éphésiens. Je trouve que ça met bien la table. Éphésiens 5, 6 à 14, si vous voulez tourner avec moi. Éphésiens 5, 6 à 14, pour mettre la table ce matin. En fait, le passage est très autoportant. 2 Timothée 2, on aurait pu juste rester dans ce chapitre-là, juste regarder ça, et puis c'est très complet en soi. Mais on va quand même creuser davantage et s'appuyer sur d'autres passages. Donc, Éphésiens 5, 6 à 14 dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Aucune part avec eux, hein, j'insiste. « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc, on va être bien réveillé ce matin pour attaquer 2 Timothée 2. Donc, je vous le disais tout à l'heure, là, Paul fait une dizaine d'exhortations. On va les regarder, mais on va les mettre en contexte. J'ai structuré tout ça. Vous me connaissez, là. J'aime ça quand c'est bien structuré. Donc, j'ai structuré tout ça et puis on va regarder ça. Mais l'idée ici, c'est de regarder ça avec l'introduction qu'on vient de lire. Donc, ayant en tête que Dieu nous donne à quelque part la mission d'être des enfants de lumière, comme on vient de le lire. Donc, d'être des modèles pour le monde, des modèles pour l'Église et de marcher comme des enfants de lumière. Mais ça, c'est pas facile. Hein, on va pas se raconter des histoires. Ce n'est pas facile. Et donc, pour aller dans le sens de ce que Gilles disait tout à l'heure, lorsque tranquillement je m'en venais, est-ce que vous êtes prêt à vous enrôler, même quand c'est pas facile? Est-ce que vous êtes vraiment entièrement enrôlé pour Christ? Vous gardez aucune réserve? Pas de jugement dans ce que je dis, je vous pose la question. Je vous laisse avec vos réflexions. Et donc, ce matin, on va voir, comme vous le voyez à l'écran, donc on va voir trois étapes dans le texte, OK? Des étapes concrètes, tangibles, progressives, qui nous guident afin de franchir les pièges inévitables sur le chemin pour s'enrouler pour Christ au vu de la finalité, de la promesse de gloire éternelle que Dieu nous fait. Mais là, on pourrait dire que Timothée, là, dans son livre, ça s'applique à son contexte, à lui. Hein. Mais on va voir que ça s'applique tout autant aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, on va le lire. Donc, je passe vite ici, parce que Michel a fait une bonne introduction du livre en soi. Mais juste pour rappel, donc c'est écrit à peu près une dizaine d'années, si je me rappelle bien, là, après le premier épître à Timothée, donc à peu près en 66 après Jésus-Christ, donc plus ou moins 66 après Jésus-Christ. Le lieu de rédaction, donc c'est à Rome, c'est au deuxième emprisonnement de Paul. Et là, ça se corse pour Paul, mais même pour l'Église. Il y a beaucoup de pression à ce moment-là. Donc, on va le lire ensemble. Donc, je vous invite à prendre, moi j'ai la version Louis II. Donc, je vous le mets à l'écran aussi, là, histoire de se simplifier un peu la vie. Je vais commenter, j'ai quelques éléments sur lesquels je veux pointer pendant qu'on va lire, mais on va y aller une étape à la fois. Alors, 2 Timothée 2 se lit comme suit. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, et afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Je prends une petite pause ici juste pour vous faire remarquer, je les ai mis en gras, donc les versets 4, 5, 6 et 7. C'est intéressant parce que ces versets-là sonnent un peu comme une parabole, ce sont des paraboles, mais sonnent un peu comme un proverbe. Tu sais, dans le proverbe, souvent, ça dit « Écoute ce que je dis, mon fils, et le Seigneur te donnera de l'intelligence. » Ce genre de formulation ici, où après ça, avec la parabole du soldat, de l'athlète et du laboureur, bien, gardez ça en tête. On va y revenir. Puis j'ai mis aussi en jaune, je ne voulais pas en mettre trop, là, mais j'ai mis en jaune les fameuses exhortations dont je vous parlais tout à l'heure, les 10 exhortations à Timothée, qui s'adressent tout autant à nous. Donc, on poursuit la lecture, on était rendu à verset 12. Donc, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont éménés Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. J'ai aussi souligné ici en vert, pour faire un pont avec la suite, en vert ici, les éléments du texte qui parlent de la finalité, de la promesse glorieuse de Dieu. Donc, si on persévère, on va régner avec lui. Donc, on voit ici le solide fondement de Dieu reste debout. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, on va revisiter ça tout à l'heure dans la finalité. Et puis, en rouge, bien, certains pièges. Ici, on a l'exemple de Hyménée et Philette. Donc, ils sont tombés dans un piège. On va en reparler. Je poursuis au verset 20. Il nous en reste six versets. Donc, verset 20. « Dans une grande maison, Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc ici, c'est intéressant parce qu'à la fin, on parle donc du serviteur du Seigneur, verset 24. On parle des pièges du diable, verset 26. Donc, j'invente rien. Ici, il y a vraiment dans le texte toute la matière à réflexion puis à réfléchir à comment ça s'applique à nous. J'appuie sur un mot ici qui, moi, personnellement, quand je l'ai lu, m'a embêté. Condescendance. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Hein? C'est comme condescendance. Je vous le pointe où il est le mot. 24. Ouais, au contraire, avoir de la condescendance, verset 24. Bon, je suis allé chercher parce que le mot m'embêtait. Condescendance, en général, c'est de regarder les gens de haut quand on l'utilise, ce mot-là. Hein. Bien, en fait, ça vient de épios, le mot grec, là, épios. Je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut. Mais en fait, c'est plus d'être doux, aimable, noble. Et d'ailleurs, dans les autres versions, Sommer, Second 21, Martin Darby, Osterwald, toutes les autres versions parlent d'aimable, bienveillant, doux. Oui, bien, c'est ça. Donc, ici, on n'est pas dans la condescendance de regarder de haut, je vous rassure. Une situation de traduction menant à un besoin de clarifier. Donc, le passage est très riche, puis on va le décortiquer ensemble. Dans un premier temps, il y a des versets clés, les versets 10 à 13 et 19 en particulier, qui pointent vraiment vers la finalité. Puis là, ici, je vais utiliser un truc. Moi, je suis dans le milieu de la consultation, puis souvent, on fait des présentations. Puis quand on fait des présentations à des cadres, à des hauts dirigeants d'entreprise, bien, il y a un truc qui s'appelle BLUF, B-L-U-F, Bottom Line Up Front. Part de la fin. Dis c'est quoi la finalité, puis après ça, retrace, parce qu'on a tendance, quand on présente, à aller dans un ordre chronologique, dans la logique qu'on a suivie pour se rendre à la conclusion. Mais quand les gens n'ont pas de temps, on part de la fin. Fait que donc, ici, je vous propose de partir de la fin. On va faire la même chose ensemble. Donc, la finalité qui est exprimée dans l'Épître à Timothée, les versets clés, là, 10, 11, 12, 13 et 19, je vous les relis juste pour qu'on se remette en tête. « Je supporte tout à cause des élus. » Ça, c'est le verset 10. « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » C'est clair. Verset 11. « Cette parole est certaine. » Encore plus clair. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Je m'en vais au verset 19, qui est un bon écho, un bon complément. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, la vie en Jésus, la finalité, nous est clairement réexpliquée. Alors, on s'est expliqué plusieurs fois dans la parole, mais réexpliquée ici dans 2 Timothée 2. Donc, le salut en Jésus-Christ, la gloire éternelle. Cette parole est certaine, la mort avec lui égale la vie avec lui. La persévérance nous égale le règne avec le Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais j'ai envie de creuser, avant qu'on aille voir les fameuses trois étapes, j'ai comme envie d'approfondir avec vous puis juste s'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Fait que je vais prendre d'autres passages pour illustrer ces éléments-là, pour juste s'assurer qu'on a une bonne vision. C'est comme quand on fait un examen de vue, une bonne vision 20 sur 20 sur la finalité. Donc, si on regarde, nous régnerons aussi avec lui. Donc, c'est dit dans 2 Timothée 2. Mais qu'on va juste aller se contrevalider avec Romains 8. Romains 8, 15 à 17, dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, donc on est adopté, par lequel nous crions « Abba Père », l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, l'adoption de Dieu, c'est de ce règne-là ici dont on parle, en tant qu'héritier. Ensuite, si on se penche sur « si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui », qui est une autre affirmation ou un autre verset dans 2 Timothée 2, et puis qu'on va comparer nos notes avec Romains 6, 8 à 11. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Christ. » Donc, c'est vraiment tranchant ici. Mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On continue à clarifier. Deux petites explications, deux petites précisions pour clarifier les finalités. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? En fait, on a une réponse encore plus précise dans Matthieu 10, 31 à 33. C'est Jésus lui-même qui parle. « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. » Donc, ce n'est pas juste renier au sens large. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, clarification encore plus ici. Dernière explication, et puis là, celle-là, il y avait un petit obstacle, un petit piège. Merci à Christian, je ne sais pas, à Christian, il est là, qui nous a pointé là-dessus vendredi matin, parce que je ne l'avais pas vu, et nous étions quelques-uns. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » En fait, ici, on ne parle pas du infidèle. Si on regarde la définition vraiment dans le texte, c'est « apistéo ». Donc ici, on parle d'un infidèle, un infidèle, tu sais, comme on dit. Donc, quelqu'un qui ne croit pas. Ce n'est pas juste si je commets une infidélité, hein. C'est si je ne suis pas fidèle, si je ne crois pas. Donc, pour ceux qui sont infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire ici exactement? Bien, en fait, Romains 3, 3 à 4 nous dit « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, donc les infidèles, si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité, anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? » Donc, ils sont incrédules, infidèles dans le sens d'incrédules, mais est-ce que Dieu, lui, reste fidèle? Absolument. Et donc, je reviens au verset. Donc, loin de là que Dieu, donc, loin de là que ça va anéantir la fidélité de Dieu, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, même si certains ne croient pas, Dieu lui reste cohérent, entièrement cohérent envers sa promesse que Jésus est le chemin. Donc, si tu crois, ben l'accès à la promesse est là. Et puis sinon, ben en fait, le jugement, il est déjà fait. Il est déjà là. Donc, on a regardé la finalité. Maintenant, on va regarder les pièges, eux aussi, qui viennent du texte. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on part de la fin, puis on va arriver à nos fameuses trois étapes. Donc, les pièges, il y a trois versets clés, mais je me permets aussi de faire le pont avec l'introduction que Michel a fait la semaine dernière, parce que, en fait, des pièges, il y en a dans le texte, on va les regarder, mais il y a aussi un contexte, là. L'Église est sous beaucoup de pression, là, à ce moment-là, au moment de l'écriture de la lettre. Fait qu'il y a Il y a d'autres pièges ou il y a d'autres difficultés qui ne sont pas nécessairement citées dans le texte, mais qu'il faut considérer quand même dans la réflexion. Donc, les versets clés, donc c'est Hyménée et Philète, je vous l'ai pointé tout à l'heure, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, eux commencent à se détourner de la vérité, commencent à exprimer des choses qui sont mensongers, affirmer des choses qui ne sont pas la vérité et qui font que certains se détournent dans leur foi, qui renversent leur foi. Versets 19 à 20. « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Donc, l'iniquité étant un piège en soi. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. » Donc, ici, on fait la différence entre des vases, comme on fait la différence entre des gens qui ont cru, qui n'ont pas cru, qui n'ont pas cru et qui sont donc encore dans l'iniquité et un piège en soi. Une influence, si je reviens au passage d'introduction, là, les lumières versus les ténèbres, une influence tournée vers les ténèbres. Verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, les querelles étant ici un piège. Donc, on peut s'imaginer que la pression que l'Église vit à cette époque-là et ce qui est cité dans le texte, on s'imagine un peu un contexte où c'est pas facile. À Rome, Paul est en prison pour la deuxième fois, puis sans venir la fin. Là, c'est dans 2 Timothée 3.1. J'empiète un peu sur la personne qui va enseigner la semaine prochaine. Mais donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, Paul est dans cette situation-là, emprisonné pour une deuxième fois. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, il dit, dans les chaînes, ne s'attend pas à être libéré. L'Église à Rome est persécutée sous Néron. Et puis là, il y a ces gens-là qui se détournent. Donc, dans l'environnement proche de Timothée, des gens qui se détournent, comme Hyménée et Philète. Mais il y en a d'autres plus loin qui sont cités, comme Démas, qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Paul dit plus loin, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Donc, c'est ça le contexte. Mais on pourrait dire que ça s'applique qu'à Timothée. Vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des applications tout à fait concrètes aujourd'hui? Est-ce que ces pièges ne sont pas totalement applicables aujourd'hui? Tu sais, si on regarde le taux de divorce, l'impact sur l'équilibre dans les familles, les reconstitutions familiales et tout, les pressions, les injustices sociales, avec tout le phénomène de polarisation des opinions, avec les prises de position fortes, puis des moi, je ne veux pas bouger de ma position, de mon opinion. L'honnêteté, l'intégrité, l'objectivité au niveau des médias, des entreprises, des partis politiques. Les conflits armés, évidemment, mais conflits en général, avec poursuites et autres, que ce soit local, national, international, ça s'applique tout à fait à aujourd'hui. Et donc, on est aujourd'hui encore dans un contexte, chacun d'entre nous, où ce qui est dans 2 Timothée 2 s'applique. Donc, la question, c'est quelle est votre place dans tout ça, individuellement, familialement parlant, et nous en Église? Comment on se positionne? Bien, c'est là que le texte nous enseigne encore. 3 étapes. Et puis là, je vous l'avais dit d'entrée de jeu, mais si on regarde les fameux 3 versets que je vous disais que ça ressemble à des proverbes ou qui sont des paraboles, bien, si on dit le Seigneur, donc verset 7, ça, j'ai inversé volontairement, donc le dernier verset, le verset 7 des 4, dit le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, c'est-à-dire que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais qui vous a enrôlé? Ben oui. Fait qu'on ne s'embarrasse pas des choses de la vie si on veut plaire à celui qui nous a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. S'il n'a combattu suivant les règles, quelles règles? On va regarder ça. Et le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, une étape à la fois. Première étape, le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. En fait, il y a certaines exhortations dans le texte qui peuvent être rattachées directement à ça. Donc, souviens-toi de Jésus-Christ, de celui qui t'a enrôlé. Hein, on a prononcé, on s'est prononcé pour Christ, si on a donné notre vie à Christ, bien, il y a eu un moment où on a dit, je m'enrôle. Bien, il faut s'en rappeler, pas l'oublier. Fuis les passions de la jeunesse. Donc ça, c'est détachement des passions de la jeunesse, mais comme le soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un soldat, là, quand il s'enrôle dans l'armée, il est focus. J'ai un objectif à atteindre. On a des militaires dans la salle, hein, n'est-ce pas? J'ai des ex-militaires. Fait que j'ai un objectif à atteindre et je vais me concentrer sur l'objectif à atteindre. Mais c'est quoi l'objectif à atteindre? La finalité dont on a parlé tantôt. Concentration du soldat qui ne se laisse pas détourner par les affaires du monde. Et puis finalement, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, bien, c'est toujours garder cette concentration-là, cet esprit-là de focus sur la finalité. Et donc, pour illustrer, si on veut, cette notion-là du soldat, bien, il y a plusieurs passages, là. Il a fallu que je fasse un choix, là. Mais celui que j'ai retenu, qu'on connaît bien, c'est Éphésiens 6, 10 à 17. Donc, le combat n'est pas terrestre. Ce n'est pas les armes terrestres ou le soldat terrestre ici dont on parle. Parce que celui qui nous a enrôlés, c'est Christ. Et donc, les choses dont il faut se détacher, c'est les choses terrestres. Les choses de la vie, c'est les choses terrestres. Donc ici, on va aller appuyer ça avec des passages de la parole. Éphésiens 6, 10 à 17. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas des armes physiques, là, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est de ce soldat-là dont on parle. Enroulez-vous. Les armes sont disponibles. C'est comme « We want you in the divine army ». 1 Corinthiens 15, 47, 50 continue dans ce sens-là. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc ici, le soldat, c'est le soldat de Christ, le soldat divin. Et puis un soldat, bien, ça s'entraîne. Donc, il faut s'entraîner. Si vous dites ce matin, « Oui, je m'enrôle. » OK, parfait. Comment on s'entraîne cette semaine? Alors, j'ai préparé un petit programme d'entraînement. Je vous le lis, là. Je vous le lis. Vous pouvez prendre des notes, ou sinon, je vous en reparle après. Donc, un minimum, 3 fois par semaine. Un exercice, il faut faire ça 3 fois par semaine. Minimum. Minimum, 3 fois par semaine, de la course, au minimum 15 minutes quand même. Hein? Course pour fuir les passions de la jeunesse. Ça vient du texte. trois fois par semaine des poids libres, hein, tu sais, quand même avec une certaine progression dans le poids en tant que tel, pour vous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifiez-vous. Trois fois par semaine des abdominaux pour rester paisible et solide dans la foi. Hein? Trois fois par semaine, jambes et bras, donc, tu sais, pour équilibrer, pour exercer la justice et être charitable envers votre prochain. Donc, c'est l'entraînement que je vous propose, programme d'entraînement qu'on commence cette semaine. Puis l'entraînement fait le pont parfait avec le deuxième, la deuxième étape, qui est l'athlète. Lui aussi s'entraîne, l'athlète. Mais ici, la deuxième étape dit « L'athlète combat suivant les règles ». On se pose la question, c'est quoi les règles ici dont on parle? Il y a des exhortations ici qui viennent, quand on creuse sur les règles, il y a des exhortations ici du texte qui viennent appuyer ça. « Comprends ce que je dis. Confie ce que tu as entendu à des hommes fidèles. Évite les discours vains et profanes. Repousse les discussions folles et inutiles. » Ces exhortations-là parlent de sagesse. Donc, les règles ici, ce ne sont pas les règles des hommes. Ce n'est pas des règles de jeu. C'est des règles de sagesse. Parce qu'ici, on parle d'une couronne incorruptible. Tout à l'heure, on a parlé d'incorruptible. On est en la même chose. Je vous amène dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, qui va exactement dans le même sens. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, donc un peu dans n'importe quel sens, hein? Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ici, l'athlète n'est pas... L'athlète qui s'entraîne, hein, comme on l'a établi, n'est pas couronné des choses du monde. Ce n'est pas une médaille d'or. Ici, on parle des règles selon la sagesse de Dieu, les règles de Dieu qu'il nous enseigne dans sa parole. Puis, par rapport à la sagesse de Dieu, ici, 1 Corinthiens 3, 19 nous dit « Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Donc, c'est très tranchant. La sagesse du monde est folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donc, attention, quelles règles on suit en tant qu'athlète? Job 28, 28, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, on revient à fuir les passions de ta jeunesse. On revient au soldat qui se décharge des choses du monde. Et puis, si on fait le pont avec les sports, et puis là, je peux vous dire que je cherchais une image qui représente bien les enjeux du sport aujourd'hui, qu'on parle de dopage, qu'on parle de tricherie, de fraude. Gilles, vendredi matin, racontait l'histoire du marathonien, du marathon de Boston qui a pris l'autobus pour faire un petit bout, tu sais. Mais des situations comme ça, il y en a plein. Ça, ce sont les règles du monde. C'est si je ne me fais pas pogner, je peux passer à côté. Ça, c'est comme ça que... C'est ça, la sagesse du monde. C'est pas de ces règles-là dont on parle ici. Jésus nous demande d'être la lumière du monde. Donc, c'est respecter les règles telles qu'il les décrète, mais c'est aussi refléter les règles telles qu'il les décrète. C'est pas juste de respecter les règles. C'est de démontrer le respect des règles. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, là, mais c'est important. On l'a lu en introduction. Être la lumière du monde, bien, ça veut dire rayonner au-delà de nous-mêmes. Ce n'est pas juste, moi, je respecte les règles puis je ne dis pas à personne. C'est, j'affirme que je respecte les règles et je vais le démontrer en toute transparence. Pas devant les hommes, devant Dieu, mais en même temps, ça rayonne devant les hommes. Matthieu 5, 14, 16 nous parle justement de ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ici, l'athlète non seulement suit les règles, mais affirme, démontre, confirme en toute transparence qu'il suit les règles. Ça le menant au fruit de l'esprit. Donc Galates 5, 22, passage qu'on connaît. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Donc ici, on peut faire le pont entre la loi et les règles. Pour atteindre ou pour viser les fruits de l'esprit, la transparence est de mise, le respect des règles de façon... Le pauvre policier ici qui dit, ben là, je ne sais plus par où valider éviter les fraudes dans le sport. Ben en fait, c'est de déclarer qu'on les suit et de le démontrer de façon complètement concrète, tangible, transparente. Et puis le fruit de l'esprit nous mène à la troisième étape, qui est le fameux laboureur qui travaille avant de recueillir les fruits. Ben là, ici, on a dit, le soldat s'entraîne selon les règles de la sagesse de Dieu, en déclarant, en affirmant, en démontrant, suivre la sagesse de Dieu et persévère, parce que ça prend du temps. Quand un laboureur sème, là, puis là, je ne suis pas un agriculteur, donc je ne suis pas un expert, mais ça prend un certain temps. Ça, je le comprends. Donc, il y a une notion de temps, de patience, de persévérance, de travail. Et puis, la tentation, donc, d'abandonner, le piège d'abandonner. Et c'est là, mince, le combat. Bon, je ne sais pas si vous le savez, là, mais en Église Maison Saint-Lambert, on a des bons débats sur le mot « combat ». Fait que la tentation d'abandonner est là, parce que c'est pas facile. De là, les exhortations qui sont dans le texte, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Fortifie-toi dans la grâce. Souffre avec moi. » Ça, c'est clair. Et puis, pour appuyer ça, quelques passages pertinents. Donc, la persévérance dans l'épreuve, je vous propose Luc 21. Parle directement de persévérance. Luc 21, 17 à 19, Jésus qui parle des derniers temps, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Donc ça, c'est peut-être à venir. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Donc le mot « persévérance ». Daniel 6, 20 à 23, l'histoire de Daniel qui est dans la fosse aux lions est un exemple concret. Qu'est-ce que le roi dit à Daniel? Donc, on lit verset 20, Daniel 6, verset 20. « En s'approchant de la fosse, il appela Daniel, ici on parle du roi, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc ici, Daniel sert son Dieu avec persévérance. Encore le mot persévérance et l'importance de ça. Donc tout à l'heure, quand on voyait les pièges, ben, de ce cheminement-là, la persévérance est bien présente et fait partie du chemin. Éphésiens 6, qu'on a lu tout à l'heure, on va le poursuivre. Verset 18, Paul exprime la vocation du travail. Donc, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, la troisième étape, on parlait tout à l'heure de tous les pièges applicables aujourd'hui. Mais en fait, c'est par la persévérance, l'entraînement, suivre les règles selon la sagesse de Dieu, la persévérance, qu'on peut sortir des pièges d'aujourd'hui, puis rayonner comme des enfants de lumière, comme on a lu dans l'introduction. Mais quand on parle de combat, c'est de ne pas abandonner en cours de route sur la flèche bleue. Parce que la tentation d'abandonner, quand les difficultés se présentent, quand c'est pas facile, quand c'est souffrant, hein, Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi. » Quand c'est souffrant, ben, facile. Donc, l'enfant de Dieu, le soldat, l'athlète, c'est pas un soldat qui se bat. C'est pas ce combat-là. C'est un soldat pacifique. OK? Mais il combat dans le sens qu'il n'abandonne pas. Et puis, ce que ça dit dans le texte qu'on a lu, « Priez pour notre prochain. Hein, » Priez pour notre prochain, surtout ceux qu'on veut pas. « Écoutez les besoins et les points de vue de notre prochain, surtout quand c'est pas facile. » Pas quand c'est notre meilleur ami qui nous raconte, ça, l'écoute vient naturellement. Quand c'est pas facile, aider, soutenir notre prochain avec compassion, en expliquant l'Évangile de Dieu, comme Paul le dit dans le texte, en expliquant l'Évangile de Dieu par nos gestes et par notre douceur, et non pas notre condescendance. Accompagner notre prochain à se confier en Christ, pour que Christ puisse accomplir son œuvre dans sa vie. Donc, que Christ aide chacun de nos prochains à traverser la flèche bleue. Et je conclue là-dessus. Donc ici, 2 Timothée 2,7 dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses pour... » Vous enrôlez-vous comme soldat de l'armée divine. Entraînez-vous selon ses règles et servez Dieu avec persévérance et constance pour produire le fruit de l'Esprit afin de franchir les pièges inévitables du chemin obstruant l'accès à la finalité, la promesse de Dieu, qui est le salut en Jésus-Christ, la gloire éternelle, et puis la vie et le règne avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Extraordinaire, merveilleux. Amen. Bientôt, dit Jean-Claude. Merci.